الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wa al-kitab al-aziz. Donc la semaine dernière on avait terminé de parler on avait terminé le livre du Hajj, le livre du pèlerinage. On avait parlé des derniers points qui traitait la visite de Médine. Parmi les points que l'on a traités, on avait vu qu'il n'était pas légiféré de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon fréquente. Quelle est la preuve de cela? Qui devons-nous prendre comme exemple dans ceci? Les sahaba, parmi eux Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? De passer une fois, de saluer le prophète, puis Abu Bakr, puis son père. Non, de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Abu Bakr, puis son père Omar al-Khattab. Et quand est-ce qu'il le faisait? Est-ce qu'il le faisait tous les jours? Est-ce qu'il le faisait après chaque prière? Quand il rentrait de voyage. Quand il rentrait de voyage, Ahsan. Quand Abdullah ibn Umar radiallahu anhu rentrait de voyage, il saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aller visiter sa tombe. Donc les savants ont déduit qu'il ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni des faits des compagnons de saluer ou d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours ou plusieurs fois par jour. Et on a vu également que celui qui saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit devant sa tombe ou qu'il soit à l'autre côté de l'autre bout de la planète, que le salut arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y avait pas plus de mérite de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant sa tombe que à des milliers de kilomètres. Ensuite, on a parlé de la mosquée de Quba, qui, comme on l'avait dit la semaine dernière, qui est la première mosquée en islam, qui est la première mosquée construite en islam. Et elle fait partie, elle et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les deux seules mosquées qu'il est autorisé d'aller visiter et de se diriger vers elle pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a dans ce cas bien précis un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui là c'est au niveau du voyage. Une personne qui vient visiter Médine a le droit de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée de Quba. Mais quant au voyage, est-ce qu'une personne a le droit de voyager d'ici pour aller à Médine uniquement pour aller visiter la mosquée de Quba? Non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on ne voyage que vers trois mosquées: la mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem. Et il est même interdit de partir d'ici pour aller à Médine avec l'intention de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est interdit. Tu vas à Médine non pas pour visiter, donc tu voyages vers Médine non pas pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour visiter sa mosquée. Et lorsque tu es à Médine, tu as le droit d'aller visiter une autre mosquée qui est Masjid al-Quba, qui est la mosquée de Quba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions chez lui puis se rend à la mosquée de Quba et il prie, eh bien il lui sera compté la récompense d'une umrah. Il lui sera comptabilisé la récompense d'une umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de visiter ou d'aller prier dans la mosquée de Quba. Quel jour? Le samedi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y rendait de temps en temps au dos de sa monture, sur le dos de sa monture, et de temps en temps à pied. Ensuite, on a parlé de Al-Baqi' et de Uhud. Al-Baqi' qui est le cimetière de Médine, et Uhud qui est la montagne qui est située où? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de Médine. Hein? Uhud. Uhud est situé où? Au nord. Uhud est situé au nord de Médine. Uhud est situé au nord de Médine. Tayyib. Et on avait vu que dans le Baqir, il y avait beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certaines de ses épouses qui ont été enterrées. Et les gens sont enterrés jusqu'à nos jours dans le cimetière de le Baqir. Et on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al » Celui d'entre vous qui a la possibilité de mourir à Médine, qu'il le fasse. Celui qui a la possibilité de finir ses jours à Médine, qu'il le fasse. Et il est autorisé de visiter le cimetière de Al-Baqir comme tout autre cimetière, car au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de visiter les tombes de façon générale, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé cette interdiction et a dit: je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Et ceci concerne tous les cimetières. Ceci concerne tous les cimetières. De même qu'il est autorisé d'aller visiter le cimetière de Uhud. Le cimetière de Uhud où sont enterrés les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont perdu leur vie lors de la bataille de Uhud. Lors de la bataille de Uhud, et leur nombre était de combien ? 70. D'un peu plus de 70. Ils étaient un peu plus de, 70. Et lorsque tu te rends à Uhud, tu te rends pour aller visiter le cimetière là-bas. Tu ne te rends pas pour aller visiter la montagne de Uhud, de monter sur le mont ou de monter sur le mont des archers, là où étaient postés ceux qui avaient pour charge de protéger les compagnons du prophète, ceux qui avaient pour charge de protéger les musulmans d'une éventuelle attaque après qu'ils aient vaincu les non-musulmans. Et ayant délaissé leur poste et ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il leur avait ordonné de rester sur leur poste, quelles que soient les circonstances, ils devaient rester sur leur position jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne l'ordre de partir. Et les savants ont déduit de ce fait qui a eu lieu pendant la bataille de Uhud que ceux qui désobéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un châtiment ou un malheur les atteint. Qu'ils sont sous la menace d'un malheur ou d'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah azza wa jalla dit: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, et qu'ils prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, qu'une tentation ne les atteigne. Ensuite, on a parlé des autres endroits que les gens prennent comme lieu de visite à Médine, comme Masjid al-Qiblatayn, la mosquée des deux Qiblas. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet sur la mosquée des deux Qiblas? Que le hadith était faible. Que le hadith était faible. Le hadith qui rapporte le fait que les compagnons priaient dans cette mosquée en direction de l'Aqsa, et lorsque Allah Azza wa Jal a révélé le verset qui ordonne de se diriger vers la Kaaba, qu'ils sont changés de direction pendant leur prière. Et les savants ont dit que ce hadith était faible. Et donc, le nom même de la mosquée des deux Qiblas est remis en cause. D'une part, et d'autre part, on en déduit qu'il n'est pas légiféré d'aller visiter cette mosquée. Même si ce hadith était authentique, est-ce qu'il aurait été autorisé de la visiter? Oui ou non? On ne la visite pas parce que le hadith est faible, ou pour autre chose? On ne visite pas sa mosquée car ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons ne l'ont fait. Même si on considère que le hadith est authentique et que et véritablement cette histoire a eu lieu. Même si cela est vrai, ça ne justifie pas le fait d'aller visiter cette mosquée. Il y a d'autres mosquées comme les masajid de Sab'a, les sept mosquées qui en réalité sont au nombre de six, et d'autres lieux que les gens prennent comme des lieux de visite. Et à ce sujet, Omar ibn Khattab a dit, ceux d'entre vous ont connu la perte, pourquoi ? Car ils suivent, car ils ont suivi les traces de leurs envoyés et de leurs prophètes. Et ceci est un danger, car ceux qui suivent les traces des prophètes vont prendre ces endroits comme des endroits bénis, comme des endroits bénis, des endroits qu'il faut visiter, des endroits dans lesquels tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et tes invocations seront exaucées, etc., etc. Donc l'islam vient fermer cette porte, et les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché ne sont pas des endroits bénis. Et tu n'as pas à faire des recherches pour savoir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son pied, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi, etc., etc. Et l'auteur avait donné deux remarques, avait fait deux remarques. La première qui était... que les pèlerins restent plus de temps à Médine qu'à la Mecque, alors qu'une prière dans la mosquée de la Mecque vaut 100 000 prières dans les autres mosquées, et qu'une prière dans la mosquée de Médine en vaut 1000. Donc il vaut mieux faire plus de prières à la Mecque ou à Médine ? À la Mecque. Et la deuxième remarque que l'auteur avait faite, qui était... pas sorti en marche arrière. Non. Que les gens sortaient en marche arrière. Non, ça c'était dans les remarques qu'elle avait fait lors de la visite de la mosquée du prophète sallam, de sortir lorsque l'on sort de la mosquée, que ce soit la mosquée de Médine ou de la Mecque, lorsque tu la quittes, tu dois la quitter en laissant de dos, derrière ton dos, et ne pas sortir de la mosquée en faisant marche arrière pour avoir toujours la mosquée à vue d'œil. Non, tu sors de la mosquée comme tu sors de la mosquée de chez toi, de ton quartier. Et la deuxième remarque qu'avait fait l'auteur, c'était... Les gens, ils pensent que en visitant pas le Médine, eh ben leur été moins... Ahsan. Naam, ahsan. Et la deuxième remarque que l'auteur avait faite, c'est que beaucoup de gens pensent que la visite de Médine est primordiale dans le cadre du pèlerinage, et que celui qui ne visite pas Médine durant son voyage pour le pèlerinage, eh bien son pèlerinage est diminué, sa récompense n'est pas complète. Cela est faux. Il y a la visite de Médine qui est une chose, et il y a le pèlerinage qui en est une autre. Et dans le pèlerinage, il y a dans les obligations du pèlerinage, dans les piliers du pèlerinage, ou même dans les choses qui sont recommandées à faire dans le pèlerinage, rien qui ne fait allusion à la visite de Médine. Rien qui ne fait allusion à la visite de Médine. Et quant au hadith que les gens ont propagé autour d'eux et qui est populaire tout en étant faible, et le hadith qu'ils attribuent au prophète Hassan à tort, celui qui fait son pèlerinage et ne me rend pas visite, il m'a porté atteinte, ou il m'a fait du tort. Cela est un hadith mensonger, c'est un hadith faible, et il ne doit pas être attribué au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc si tu dois faire ton pèlerinage et que tu es pris par le temps, ou que tu as un temps limité pour le faire qui ne te permet pas d'aller à Médine, eh bien contente-toi de faire ce qui t'est obligatoire, à savoir d'accomplir ton pèlerinage qui est le cinquième pilier de l'islam. Et ainsi se terminait le livre du pèlerinage, et on va commencer le livre des ventes. Le livre des ventes. Kitab al-Buyu'a, le livre des ventes. après avoir cité l'auteur, après avoir cité les chapitres ou les livres concernant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant l'être humain vis-à-vis de son créateur, vis-à-vis de son créateur, à savoir le livre, les livres que l'on a traités, le livre, le premier, le Tahara, le livre de la purification, qui est une préparation pour la prière et autres. Ensuite, il y a eu le livre de la prière, qui est l'adoration pratique la plus importante en islam. Ensuite, le chapitre du jeûne, qui est aussi une adoration entre que le serviteur adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a vu le livre de la zakat, qui est aussi une adoration que le musulman fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une adoration qui permet d'avoir un lien entre le serviteur et son seigneur. Ensuite, on a vu le chapitre ou le livre des rites funéraires qui aussi nous montrent les règles à respecter vis-à-vis du défunt et de ce qu'il attend dans l'au-delà donc ici aussi c'est un chapitre qui mettait en relation le serviteur et son créateur subhanahu wa ta'ala. On a ensuite parlé du livre du mariage et on va traiter par la suite le livre des ventes, qui traite des relations entre les serviteurs, lorsque tu vends à qui? Tu vends un être humain. Lorsque tu achètes de qui? D'un être humain. Donc il y a des règles à respecter lorsque tu vends, il y a des règles à respecter lorsque tu achètes. Donc ici, on parle de fiqh al-mu'amalat. Il y a fiqh al-ibadat, la jurisprudence des adorations que le serviteur fait à Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a fiqh al-mu'amalat. Et il y a la jurisprudence des relations humaines, des transactions, d'accord, qui impliquent deux êtres humains ou plusieurs êtres humains, mais entre eux. Quant à la jurisprudence des adorations, elle concerne un musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur dit Kitab al-Buyu, le livre des ventes. Et al-bay' en arabe signifie akhdu shay' wa i'ta'u shay'. En arabe, le terme bay' signifie prendre quelque chose et donner quelque chose, même si ce n'est pas pour acquérir un bien, même si ce n'est pas pour gagner de l'argent. En arabe, au niveau littéraire, lorsque je te donne quelque chose et que tu le prends, même si je te le donne pour que tu le gardes, ceci est appelé un bay' en arabe. Ceci est appelé un bay' en arabe. Et l'origine de le bay' vient du bay'. Et le bas, c'est l'avant-bras. Car lorsque je te donne quelque chose, je tends le bras. D'où le mot bay'a. Il a pour origine le terme bay' qui veut dire le bras. Au filistilah, et en islam, la vente, البيع هو مبادلة مال بمال. C'est donner un bien par un bien. Donner un bien pour un bien. Ça peut être de l'argent, ça peut être un objet, ça peut être de la nourriture, etc., etc. Al-mal, quand on parle de mal, c'est ce que la personne a en sa possession. Donc je te donne quelque chose que tu possèdes et tu me donnes quelque chose que tu possèdes. Les qasdi at-tamalluk. Et ceci avec l'intention de garder ce que tu me donnes et toi de garder ce que je te donne. Donc ce n'est pas seulement échanger de choses, c'est les échanger avec l'intention de les garder. Avec l'intention de les garder. Et ceci en utilisant soit des paroles, soit des actes, ou soit les deux, qui formulent ou qui formalisent cette transaction. C'est-à-dire que je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose avec l'intention que moi je garde cette chose que tu me donnes, en formalisant ceci soit par des paroles, soit par des actes, ou soit par les deux. Par les paroles, de dire je te vends ceci. Et toi, tu acceptes en me disant je te l'achète. Ici, la vente est formalisée par une parole. Ou bien, je te donne une chose et tu me donnes de l'argent. Je te donne un objet, tu me donnes de l'argent. Ici, la vente, elle est conclue par l'acte. Car si tu m'as donné l'argent, c'est que tu as accepté l'objet que je t'ai donné. Ou cela peut se faire les deux à la fois. C'est-à-dire de dire je te vends la chose, je l'achète, tout en donnant, en prenant l'objet et en donnant l'argent. Non. Le contrat écrit, il est égal à la parole ? Le contrat écrit. Un acte de vente ? Non, l'acte de vente, il rentre dans le fait. L'acte de vente, il rentre dans la formalisation par la parole. Par un acte. Un contrat, c'est un acte. C'est quelque chose qui est écrit, donc de contractuel. D'accord ? Donc, le contrat de vente entre dans la formalisation par les actes. Et on va continuer après la prière de la race, Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc après avoir donné la définition du terme al-bay en arabe et la définition juridique, c'est-à-dire islamiquement parlant, et avant d'entrer dans le sujet, la vente est une nécessité. Allah Azza wa Jal l'a autorisé parce que c'est une nécessité. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité? Car souvent les gens ont besoin de ce que les autres possèdent. Souvent les gens ont besoin de ce que les autres possèdent. Et les gens n'ont pas toujours la possibilité d'offrir cette chose. Non pas toujours la possibilité d'offrir cette chose qu'il possède. Donc Allah Azza wa Jalla a légiféré la vente qui te permet d'acquérir le bien d'autrui de façon légale. Et la vente, ça peut être un cas de force majeure, ça peut être une nécessité, mais ça peut être aussi un plaisir. Ça peut être aussi un plaisir. Ça peut être un cas de force majeure pour qui? Pour l'acheteur ou pour le vendeur? Hein? Pour les deux. Pour l'acheteur, mais ça peut aussi être un cas de force majeure pour le vendeur. Tu as des fois des cas où tu es obligé d'acheter quelque chose. C'est un cas de force majeure. Et d'autres personnes sont obligées de vendre leurs biens. Et ils peuvent le faire à travers la vente. De même que des personnes ont besoin, ce n'est pas un cas de force majeure, mais c'est une nécessité d'acheter des choses. Et d'autres ont besoin, et c'est une nécessité pour eux, de les vendre. Et d'autres personnes, c'est un plaisir de vendre et c'est un plaisir d'acheter. Tu as le droit d'acheter quelque chose pour te faire plaisir, même si tu n'en as pas nécessairement besoin. L'islam ne t'ordonne pas d'acheter uniquement quelque chose qui t'est nécessaire. Tu peux acheter quelque chose pour te faire plaisir, qui va te servir, mais une chose dont tu pouvais amplement te passer. طيب يقول المؤلف تعريفها. Donc l'auteur a donné une définition. Al-buyu'u jam'u bay'in wa jumi'a l'ikhtilafi anwa'i. Donc le terme al-buyu', c'est le pluriel de bay'. Al-buyu', c'est le pluriel de bay'. Et le pluriel a été cité pour montrer les différentes sortes de ventes. Pour montrer que il y a plusieurs sortes de ventes. Il y a plusieurs types de ventes, plusieurs façons de vendre et d'acheter. وَالْبَيْعُ نَقْلُ مُلْكٍ إِلَى الْغَيْرِ بِثَمَنٍ. Et l'auteur dit, et la vente, c'est de transférer un bien vers une autre personne, et ceci monnayé, et que ceci soit monnayé, soit par de l'argent ou soit par un autre bien. وَالشِّرَاءُ قَبُولُهُ. Et l'achat, c'est l'acceptation de la vente. L'achat, c'est l'acceptation de la vente. وَيُطْلَقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ. Et tu peux dire al-bay' et al-shira. Tu peux dire al-bay' pour vouloir dire la vente ou l'achat. Et tu peux dire al-shira en voulant dire la vente ou l'achat. D'accord ? Donc les deux veulent dire la même chose. Les deux veulent dire la même chose. Car si tu achètes, c'est qu'on t'a vendu. Et si tu as vendu, c'est qu'on t'a acheté, tout simplement. Mashru'iyyatuha. Le fait que la vente est légiférée. Quel est le jugement de la vente et quelle est la preuve que cela est autorisé en islam? Qala ta'ala wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حديث متفق عليه. Donc la preuve que la vente est légiférée en islam, c'est la parole d'Allah عز وجل, et Allah a autorisé ou a rendu licite la vente et a interdit l'usure. Allah a rendu licite la vente et a interdit l'usure. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, donc le premier était en sourate Al-Baqarah, le verset 275. Le second verset est la parole d'Allah Azza wa Jalla selon le sens. Ô vous qui avez cru, ne mangez pas que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement. Que l'un d'entre vous, ou entre vous, ne mangez pas vos biens illégalement, de façon interdite. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Mais qu'il y ait de la vente entre vous par consentement. Par consentement mutuel. C'est-à-dire, ne mangez pas vos biens illégalement, ne volez pas les biens des autres et que les autres ne volent pas vos biens, ou une autre manière d'acquérir un bien autre que le vol, mais qui reste illégal, mais au lieu de faire cela, concluez une vente avec un accord de part et d'autre. Concluez une vente avec un accord de part et d'autre, c'est-à-dire que l'acheteur est d'accord pour vendre et l'acheteur est d'accord pour acheter et le vendeur est d'accord pour vendre. Et selon Hakim ibn Hizam, qu'Allah l'a agréé, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-bayi'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa ». Ici, si on traduit « al-bayi'an » en arabe, si on traduit littéralement, c'est les deux vendeurs. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire le vendeur et l'acheteur. Donc, une preuve que le terme « bay » peut être utilisé à la fois pour dire « vendre », mais aussi pour dire « acheter ». Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « al-bayi'an » les deux vendeurs, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, « bil-khiyari » ont le choix. Ma lam yatafarraqa, tant qu'ils ne se séparent pas, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise la vente et il autorise une deuxième chose qui est le choix. C'est-à-dire que l'acheteur et le vendeur ont le choix de continuer ou non la vente ou l'achat tant qu'ils ne se sont pas séparés. Tant qu'ils ne se sont pas séparés. Et c'est ce que les savants appellent majlisul khiyar. Majlisul ou khiyarul majlis. Khiyarul al-majlis. C'est-à-dire le fait que la personne a le choix d'acheter ou non, a le choix de vendre ou non, tant qu'elle est en présence de son acheteur ou de son vendeur. Pourquoi Allah Azza wa Jal a légiféré cela? Car ce qui est connu des êtres humains, c'est que lorsqu'ils veulent acheter une chose dont ils ont entendu parler mais qu'ils n'ont pas vue, ils ont souvent la motivation d'acheter cette chose. Lorsque tu entends par exemple que un tel vend telle voiture, etc., etc., tu t'imagines cette voiture de la meilleure des façons. Et tu vas faire tout ton possible pour l'acquérir. Pourquoi? Car tu ne l'as pas vue. Et en général, lorsque tu la vois, il y a souvent des choses qui déçoivent. Il y a des détails auxquels tu n'as pas pensé, qui vont faire en sorte qu'en fin de compte, tu n'es plus autant motivé à acheter cette voiture. Donc c'est pour cela que l'islam autorise le choix de continuer ou non tant que tu es en présence de ton vendeur. Mais la métafarraqa, tant qu'ils ne se séparent pas, c'est-à-dire tant que leur corps ne se sépare pas, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Et la séparation, ce n'est pas forcément le lieu où la conversation s'est tenue. Ça peut être, par exemple, deux personnes qui parlent, qui se mettent d'accord, par exemple, sur une voiture. Le vendeur a donné son prix, l'acheteur l'a accepté, mais la voiture se trouve chez son propriétaire. Et durant la route, ils restent ensemble. Est-ce qu'on considère que l'endroit où ils ont parlé, c'est cet endroit-là, lorsqu'ils l'ont quitté, la vente est conclue, ou lorsque les deux corps se séparent? Les deux corps. Les deux corps. Et ce n'est pas le fait de quitter l'endroit où a lieu la discussion ou la transaction. C'est à partir du moment où les personnes se séparent ou non. D'accord? Et lorsque les personnes concluent une vente par téléphone, comment est-ce qu'on applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jusqu'à ce qu'il raccroche. Non, jusqu'à ce qu'il raccroche. Lorsque le vendeur a donné son prix, l'acheteur l'a accepté, il raccroche, là ils se sont séparés. Et là la vente est conclue. Là la vente est conclue. وأجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله له ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج Kama fi Fath al-Bari. Donc, l'auteur cite une parole de Al-Hafid ibn Hajar qui dit, et les musulmans sont unanimes sur l'autorisation de la vente et la sagesse de cela est que les gens ont souvent besoin de ce que les autres ont et cette personne n'a pas tout le temps la possibilité d'offrir. Il y a donc dans la législation ou dans le fait que la vente soit légiférée un moyen qui permet d'atteindre son besoin sans contrainte. C'est un moyen qui permet à la personne d'atteindre son besoin, c'est-à-dire si elle a besoin de l'objet ou de quelque chose que l'autre a, eh bien la vente lui permet d'acquérir cette chose sans contrainte. Sans contrainte, comme l'a dit Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Al-Hathu ala al-Makasib. Puis l'auteur parle du chapitre de l'encouragement à avoir des revenus. À avoir des revenus. عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما ما أكل طعاما ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده حديث صحيح رواه البخاري وابن ماجه. Donc selon Al-Miqdam, radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une personne n'a pas mangé un repas meilleur que celui qui mange le repas issu du travail de ses mains. » Et le prophète d'Allah, Daoud, alayhi salam, mangeait du travail de ses mains. Mangeait du travail de ses mains, hadith authentique. Rapporté par Al-Bukhari ibn Majah. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair et que la meilleure chose que tu achètes et que tu consommes par la suite, c'est celle que tu as achetée avec de l'argent que tu as gagné par ton travail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du prophète Daoud alayhi salam qui mangeait du travail de ses mains. Et ici, le prophète sallam a donné l'exemple de Daoud alayhi salam. En sachant que Daoud alayhi salam, le prophète sallam a dit, en parlant de lui, Kana Daoud a'bad al-bashar. Kana Daoud a'bad al-bashar. Le prophète sallam, comme c'est rapporté dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, que Daoud alayhi salam faisait et parmi les êtres humains celui qui adorait le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des jeûnes est le jeûne de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et mangeait un jour, et la meilleure des prières nocturnes est la prière de Daoud alayhi salam, car il dormait la moitié de la nuit, priait son tiers et dormait son sixième. Et dormait son sixième. Mais est-ce que le fait que Daoud alayhi salam était, comme l'a attesté le prophète sallallahu alayhi salam, l'être humain qui adorait le plus Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cela l'a empêché de travailler et d'avoir des revenus et de manger du travail de ses mains? Non. Donc ceci abroge certains arguments qui peuvent être émis par certaines personnes qui disent que je préfère me consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et je place ma confiance, Allah me donnera la pourvoyance. Oui, Allah te donnera la pourvoyance, mais min tamam et tawakkul, quelqu'un qui est confiant comme il se doit envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire les causes. Tu ne dois pas attendre que les choses viennent, mais tu dois faire les causes qui vont déclencher ceci ou cela. Donc, adore Allah subhanahu wa ta'ala, donne à l'au-delà sa part, mais donne aussi à cette vie d'ici-bas sa part. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, wa la tansa nasibaka minad-dunya, et n'oublie pas ta part de responsabilité dans cette vie d'ici-bas. Et ainsi étaient les prophètes, radiallahu anhum, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout prophète a été berger. Tout prophète a été berger. Et il a rapporté dans le sahih de l'imam muslim que Zakariya, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana Zakariya najjaran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Zakariya, radiallahu anhu, alayhi sallam, était menuisier. Il y a d'autres hadiths dont je ne connais pas l'authenticité, mais qui ne sont pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abdullah ibn Abbas, dont j'ai un doute sur l'authenticité, qui rapporte que Daoud alayhi sallam était un fabricant de mailles, de cotes de mailles. Était un fabricant de cotes de mailles. Vous connaissez les cotes de mailles? Non, c'est des vêtements yannis de fer qui, c'est comme des cercles de fer qui sont liés les uns les autres et qui forment un vêtement qui protège les guerriers des coups d'épée, etc., pour ne pas que l'épée transperce la peau. Et en arabe, c'est Zarradan, Kana Daoudun Zarradan. Zarrad, c'est celui qui fabrique les cotes de maille. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حديث صحيح رواه البخاري والترمذي والنسائي. إسمع أبو هريرة رضي الله عنه يجي للخفاس صلى الله عليه وسلم يجي que l'un d'entre vous prenne des fagots de bois qu'il attache sur son dos est meilleur pour lui que de demander aux gens qu'ils lui donnent ou non. Est meilleur pour lui que de demander aux gens qu'ils lui donnent ou non. Et dans une autre version de Bukhari, selon Az-Zubayr ibn al-Awam, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous parte avec une corde, puis qu'il aille dans la forêt ou dans la montagne pour aller chercher des fagots de bois qu'il attache sur son dos, puis qu'il vende ces fagots, فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. Ceci est meilleur pour lui que de demander aux gens, de tendre sa main aux gens qu'ils lui donnent ou non. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que de demander aux gens n'est pas quelque chose de souhaitable, même si ça reste autorisé en cas de besoin. Mais comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, al-yad al-ulya khayrun min al-yad al-sufla, la main haute est meilleure que la main basse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wal-yad al-ulya hiya al-mu'tiyah, et la main haute c'est celle qui donne. Donc fais en sorte de faire partie des gens qui ont la main haute, de ceux qui donnent aux autres et non pas qui demandent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'encourage à ne pas demander, même si pour subvenir à tes besoins, tu dois aller dans une forêt ou dans une montagne, couper le bois et l'attacher sur ton dos et le vendre aux gens afin de subvenir à tes besoins. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Puis l'auteur dit, il n'y a pas de mal à être riche pour celui qui est pieux. Al-Mu'ad ibn Abdillah ibn Khubayb ibn al-Abihi an ammih. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. حديث صحيح رواه ابن ماجة. Selon Mu'ad ibn Abdillah ibn Khubayb, selon son père, selon son oncle paternel, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il n'y a pas de mal à être riche pour celui qui est pieux, et la bonne santé pour celui qui est pieux, est meilleur que la richesse, et le fait d'être bien dans sa personne, d'avoir un bon esprit, fait partie des délices. Fait partie des délices, hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Donc ici, le professeur Hassan dit, il n'y a pas de mal à être riche pour celui qui est pieux. Car celui qui est riche sans être pieux, il est en réalité en train d'être dans une perdition. Pourquoi ? Car celui qui est riche sans être pieux, c'est-à-dire qu'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala dans sa richesse, mais aussi dans les moyens qui lui permettent d'acquérir cette richesse. Car souvent les riches vont se procurer de l'argent de façon illicite pour ceux bien sûr qui ne sont pas pieux. Ils ne se soucieront pas du moyen qu'ils utilisent pour acquérir leur richesse. Et souvent, lorsqu'ils ne sont pas pieux, les moyens sont illicites. Cette personne qui est riche sans être pieuse ne va pas donner le droit d'Allah sur sa richesse, qui est la zakat. Et celui qui est riche sans être pieux va dépenser cet argent dans le haram, dans les choses interdites. Il est riche, mais en réalité il est pauvre, et plus il est riche et plus il s'enfonce dans l'égarement, wa l'ayyadu billah. C'est pour cela que le professeur Hassan a dit, il n'y a pas de mal à être riche, et la condition c'est d'être pieux. Car si tu es riche sans être pieux, c'est un danger pour toi. وَصِحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى. Puis le professeur Hassan m'a dit, et la bonne santé pour celui qui est pieux est meilleure que la richesse. Donc lorsque tu es pieux, qu'est-ce qui est meilleur, d'être riche ou d'être en bonne santé? D'être en bonne santé. Car la bonne santé te permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et en étant en bonne santé, tu pourras accomplir toutes les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui est riche, mais qui est malade, eh bien, cet handicap va faire en sorte qu'il y aura beaucoup d'adorations qu'il ne pourra pas faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il ne sera pas pris, même s'il ne commet pas de péché en faisant cela. Mais celui qui est en meilleure santé et moins riche que lui est meilleur que lui. Et le fait d'être bien dans sa peau, et le fait d'être bien dans sa peau, d'être tranquille, fait partie des délices. Car beaucoup sont riches, mais sont pleins de soucis. Sont pleins de soucis qui les empêchent de dormir la nuit et de vivre le jour. Donc, le fait que la personne soit en bonne santé et craint Allah subhanahu wa ta'ala et se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, n'a pas de soucis, il dort bien la nuit et adore Allah azza wa jalla comme il se doit la journée, et bien ceci fait partie des délices. Ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est souvent la chose la plus enviée des riches. Ce que les riches envient le plus à ceux qui sont moins riches qu'eux, c'est le fait d'être tranquille, de ne pas avoir de problème ni de soucis. Al-hathu ala al-iqtisad fi talab al-ma'isha. L'encouragement à être économique, dans le fait de demander, fait talab al-ma'isha, dans la vie de tous les jours. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم حديث صحيح رواه ابن ماجه. Donc l'encouragement de vivre selon ses capacités, selon sa capacité et selon ses possibilités. Selon Jabir ibn Abdillah, il rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, craignez Allah, wa ajmilu fi talab. Ajmilu fi talab, c'est-à-dire prenez le meilleur chemin pour acquérir vos biens et pour avoir vos salaires. Et pour avoir votre pourvoyance, prenez le meilleur chemin, le plus droit et le plus juste. فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا. Car aucune âme ne mourra sans que toute sa pourvoyance lui aura été accordée. Sans que toute sa pourvoyance ne lui sera accordée. وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا. Même si cette pourvoyance est retardée. Car une personne peut être pauvre au début de sa vie ou durant une grande partie de sa vie, mais vers la fin de sa vie, sa pourvoyance lui parvient et il est plus riche qu'auparavant. D'accord ? وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا. C'est-à-dire, même si sa pourvoyance est retardée, il ne doit pas désespéré, et il doit être sûr que chaque personne ne mourra que lorsque elle aura tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitère son appel et dit: craignez Allah et recherchez la pourvoyance en utilisant les moyens les plus beaux et les plus licites. خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمْ. Le professeur Hassan explique en disant: prenez ce qui est licite et délaissez ce qui est interdit. Prenez ce qui est autorisé et délaissez ce qui est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela dans le Coran lorsqu'il dit عَزَّ وَجَلْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ. Nous avons partagé entre eux leur part de cette vie d'ici-bas. Donc sache que dans cette vie d'ici-bas, tu auras ta part entièrement, et ceci avant que tu ne meures. Donc ça ne sert à rien de vouloir être riche en utilisant des moyens interdits. Car en utilisant ce moyen, tu n'auras pas plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura accordé. Tu n'auras pas plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera ou t'a déjà accordé. Donc, délaisse ce qui est interdit et contente-toi de ce qui est autorisé. Al-hathu ala sidqi wa tahdhiri min al-kadhib. L'encouragement à être véridique et la mise en garde contre le mensonge. عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حديث سبق وهو حديث صحيح. سنو حكيم ابن حزام كراه لغري سنو البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى جي: l'acheteur et le vendeur ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا. Et s'ils sont véridiques et qu'ils montrent. Lorsqu'ils sont véridiques dans quoi? Dans la transaction. C'est-à-dire lorsqu'ils sont véridiques dans ce qu'ils ont expliqué des points positifs de leur marchandise. D'accord? فَإِنْ صَدَقَا. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont parlé du bien qu'ils avaient et qu'ils l'ont vanté, eh bien, les bienfaits de cette marchandise qu'ils ont, elles sont bien réelles. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا. s'ils ont été véridiques, c'est-à-dire dans ce qu'ils ont dit concernant leurs marchandises, dans ce qu'ils ont dit, quand on parle de ce qu'ils ont dit, c'est les choses bien de cette marchandise, les points positifs de cette marchandise. Ou abayana, et qu'ils ont montré, c'est-à-dire les défauts, et qu'ils ont montré les points négatifs. Bourika lahuma fi bay'ihima. S'ils ont été véridiques et ont montré, eh bien Allah Azza wa Jal fait que leur vente soit bénie. Wa in katama wa kadhaba. Et s'ils ont caché, c'est-à-dire les défauts, wa kadhaba, et qu'ils ont menti, c'est-à-dire sur les avantages de cette marchandise, muhiqat barakatu bay'ihima. La bénédiction de leur vente est effacée et enlevée. وعن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et sur عقبة ابن عامر, il dit, j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire, le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas autorisé à un musulman qui a vendu à son frère une chose contenant des défauts sans qu'il ne lui montre. Lorsque tu vends une marchandise à ton frère qui comporte des défauts, tu n'as d'autre choix que de lui montrer ce défaut. Tu n'as pas le droit de te taire et de cacher ce défaut, ou de laisser ton frère le découvrir par la suite. Non. Montre le défaut comme il est, et ensuite place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait, non, bien sûr, et ceci, et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ici du musulman envers le musulman. On avait déjà cité ce point lorsqu'on avait parlé de quel hadith? La yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi wala يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْ أَحْسَنْتِ. On avait déjà expliqué ce point lorsqu'on avait cité dans le chapitre du mariage que l'un d'entre vous ne demande pas après la demande de son frère, ni qu'il ne demande pas une femme en mariage qui a déjà été demandée par son frère, et qu'il ne vende pas sur la vente de son frère. Qu'il ne vende pas sur la vente de son frère. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas vendre sur la vente de son frère? C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui a déjà acheté. Il a acheté une voiture à 10 000 euros. Et toi, tu lui dis, je te vends la même à 5 000. Va rendre la voiture et viens acheter chez moi. Ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vendu sur la vente de ton frère. Et on avait cité la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen à l'époque, qui disait, rahimallah, que ici le prophète sallam a parlé de son frère, qu'il ne vende pas sur la vente de son frère, car au temps du prophète sallam, les transactions se faisaient souvent, ou le plus souvent, entre musulmans. Mais que même si cela concernait un non-musulman, que tu ne dois pas vendre sur la vente d'un non-musulman. Et que le musulman, au contraire, doit montrer l'exemple, et doit être irréprochable. Il doit être irréprochable, surtout vis-à-vis des non-musulmans. Surtout vis-à-vis des non-musulmans, et il doit montrer de l'islam la meilleure image. Et un non-musulman qui sait que tu as fait ce coup, entre guillemets, en cachette, est-ce que cela va lui plaire ou pas? Et s'il sait que cela vient d'un frère, mashallah, avec son kamis, sa barbe, etc., automatiquement, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est quoi ces musulmans? Il ne va pas dire c'est quoi ce musulman un tel, il va dire c'est quoi les musulmans. C'est quoi ces musulmans? Et ensuite, il va indirectement ou directement lier cela à l'islam. Et il peut se dire que c'est cette religion qui leur apprend à faire de tels actes. Non, tu ne dois pas arriver à être dans une situation comme celle-ci. طيب الحث على السهولة والسماحة في الشراء والبيع. Donc l'encouragement à être facile et être doux dans la vente et dans l'achat. Dans l'achat et dans la vente. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى حديث صحيح رواه البخاري. Selon Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agréé, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est généreux lorsqu'il vend, lorsqu'il achète. وَإِذَا اقْتَضَى. Qu'est-ce que ça signifie وَإِذَا اقْتَضَى? Qui sait? إِذَا اقْتَضَى أي إِذَا طَلَبَ الْقَضَى. Qu'est-ce que ça veut dire طَلَبَ الْقَضَى? Naam. Naam, pour les commerçants qui font crédit. Et al-iqtida, c'est le fait de demander aux gens de payer leurs dettes. D'accord? Il est généreux, il est gentil, il est doux lorsqu'il vend, lorsqu'il achète. Lorsqu'il vend, il n'est pas prise de tête. D'accord? Au point que certains ont la réputation. Et ils sont appelés à moitié prix. Ah non, lui c'est pas la peine, lui c'est moitié prix. Pourquoi moitié prix? Parce que lorsqu'il achète, il essaie toujours de négocier, de diviser par deux les prix. Et d'être. Et de ne pas lâcher prix jusqu'à ce qu'il a le montant qu'il veut. D'accord? Au point que chez la plupart des vendeurs, il est appelé comme moitié prix. Wa'ida ba'a, ida shtara, ida ba'a, wa'ida shtara. Pareil quand il vend. Qu'il doit être généreux, qu'il doit être doux lorsqu'il vend, et qu'il ne doit pas être de marre, de ne pas céder ne serait-ce qu'un euro. Non, tu dois être souple lorsque tu vends, et lorsque tu demandes aux gens de te rembourser. Il y a une façon de dire aux gens de rembourser leurs dettes. Il ne faut pas être brutal, ni être injurieux, ni être méchant, ni être. Ni de demander de la meilleure des façons et de la plus douce. فضل إنذار المعسر. Le mérite de retarder le paiement de celui qui est en difficulté. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. حديث صحيح رواه البخاري. Donc le mérite de repousser l'échéance du paiement pour ceux qui sont en difficulté. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il y avait avant vous un commerçant qui faisait crédit aux gens. Qui faisait crédit aux gens. Et lorsqu'il voyait une personne en difficulté, il disait à ses enfants, tajawazu anhu, soyez souple avec lui. Soyez souple avec lui ou soyez miséricordieux avec lui. Il disait à ses enfants à qui il avait confié la charge du magasin, yani la vente des produits de son magasin. Et at-tajawuz, les savants ont dit, cela comporte trois choses. La première, c'est de reculer l'échéance. La deuxième, c'est de réduire le prix. Et la troisième chose qui rentre dans le terme at-tajawuz dans ce hadith, c'est husnu al-iqtida. C'est husnu al-iqtida, c'est-à-dire de demander de la meilleure des façons. Et tu ne vas pas demander le remboursement à quelqu'un dont tu sais qu'il a l'argent et à quelqu'un dont tu sais qu'il n'a pas l'argent. Tu ne vas pas demander le remboursement de la même façon. Et donc il a dit à ses enfants, soyez doux et miséricordieux avec lui, avec cette personne qui est en difficulté, la'allallaha an yatajawaza anna, en espérant qu'Allah soit doux et miséricordieux envers nous. Fatajawaza Allahu anhu, et Allah azza wa jalla a été miséricordieux et doux avec lui. Et dans ce hadith, il y a aussi une preuve que celui qui ordonne un bien a la récompense de ce bien. Car cet homme, Allah Azza wa Jal, lui a pardonné malgré qu'il n'avait pas affaire aux personnes en difficulté, mais c'était ses enfants. Il a ordonné à ses enfants de se comporter ainsi avec les personnes en difficulté. Et Allah Azza wa Jal l'a récompensé. Donc ici les savants, on en déduit que celui qui ordonne de faire un bien a la récompense de ce bien. Et prouve cela un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ad-dalu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui montre un bien, c'est comme s'il l'avait fait. Donc celui qui montre un bien, ou celui qui conseille quelqu'un vers un bien, ou celui qui dirige quelqu'un vers une bonne voie, et que cette personne arrive à son but, et par exemple si la personne lui avait conseillé d'apprendre la science, etc., etc., et que cette personne est arrivée à son but, eh bien cette première personne qui au début l'avait dirigé, l'avait conseillé, l'avait guidé, aura aussi une part de sa récompense. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.